Bonsoir, 106.3, la jungle des luttes. Vous êtes donc avec le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on a ce programme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi du mois à 8h jusqu'à 9h30. On a aussi un blog, la jungle des luttes, où vous pouvez trouver toutes nos émissions. Et on va bientôt réussir à mettre toutes celles de l'année 2017, puisque elles manquaient, on avait des petits problèmes techniques. Mais on va bientôt réussir à mettre tout ça en ligne et ce sera donc accessible. On vous accueille pour, dans cette jungle des luttes. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est vous parler des luttes au Mexique, mais aussi, et très souvent, des luttes ici, ailleurs, de créer des ponts. C'est un peu le sens aussi du comité de solidarité du CSPCL depuis sa création, depuis 1995, où on essaye de créer des ponts entre les luttes qui regardent en bas et qui sont donc anticapitalistes et qui ne regardent pas donc en bas. Quand on veut dire en bas, ça veut dire non pas vers le pouvoir, vers le haut, vers ceux d'en haut. Donc on est intéressé par toutes les luttes et toutes les personnes qui s'impliquent sur le terrain, parfois dans des organisations, parfois dans des ONG, des collectifs. Donc on a aujourd'hui compañera qui vient du Chili, Karina Riquelme Viveros. J'ai mal fait, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai mal vu le haut. Et donc c'est une avocate qui fait partie donc du centre de recherche et de défense du Sud, donc au Chili. C'est un centre autonome, autogéré, composé d'avocats, d'anthropologues, d'historiens, de travailleurs sociaux. Donc il y a une dizaine de personnes qui travaillent et donc il y a un travail qui se fait là-bas, sur la région sud, surtout du Chili. Donc elle nous expliquera plus en détail quel est ce travail, cette implication, et notamment sur l'implication auprès des prisonniers politiques. Donc au Chili, il y a un travail qui se fait déjà depuis plusieurs années. Donc elle va pouvoir nous parler de la raison aussi, enfin de son travail, mais aussi de la raison de sa venue ici en France. Et donc demain, elle va repartir en Belgique. Donc il y a une petite tournée qui est organisée en Europe. Donc elle pourra nous raconter pourquoi elle est là précisément, comment elle est venue. Et là, donc ce soir, nous, on remercie Lise et Nestor de Terre et Liberté qui donc sont venus, qui sont justement eux aussi très centrés sur la lutte et la défense des Mapuche. Et donc, on vous remercie d'avoir accompagné Karina jusqu'à nous. Et donc, on va ensuite, sur la fin de l'émission, pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe, de l'actualité au Mexique et de l'initiative qui a été prise dernièrement donc, par les Zapatistes et le CNI, et surtout portée donc, par le CNI, celle de constituer un conseil indigène de gouvernement et de présenter une femme indigène à la présidence, de porter une candidature aux élections présidentielles. Donc peut-être que certains nous ont déjà écoutés et donc sont déjà au courant, mais on pourra en reparler, donner un petit peu des informations nouvelles. On vous invite justement, si vous êtes intéressé, à consulter notre site cspcl.ouvaton.org. Il y a pas mal d'informations en français. Et on a aussi la possibilité, vous avez la possibilité de nous rencontrer samedi prochain au CICP. Il y a un marché solidaire, donc le 25 novembre. Donc on sera là-bas si vous voulez nous rencontrer. Et on tirera aussi la tombola, les lots de la tombola, puisqu'on a vendu des tickets de tombola. Et donc les lots sont des gravures en soutien avec le CNI, des gravures faites par... à l'initiative du CNI par des artistes au Mexique. Donc c'est des très belles gravures. Et donc voilà, on aura des lots. Donc si vous voulez venir nous voir, on aura aussi de l'artisanat zapatiste et du café à vous proposer à la vente sur ce marché au CICP samedi prochain, donc 21 Terre rue Voltaire. Donc vous pouvez sinon réécouter prochainement notre émission si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Je vous rappelle aussi, mais vous allez sûrement être au courant, parce que d'ici le mois le 10 décembre, il y aura un concert au CICP, là encore, organisé par CCC, Collectif Contre Culture, en soutien à FPP. Donc on vous invite tous à ne pas oublier d'être présents au CICP le 10 décembre pour une discussion, débat et puis ensuite concert, donc à partir de 17h le 10 décembre. Donc on va se mettre en jambes, on va mettre un petit morceau de musique et puis on entrera dans le vif du sujet avec Karina pour qu'elle nous raconte ce qui se passe au Chili et tout son travail. À tout de suite, musique. Negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran. Desgarran la voz, destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios, sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar. Tanta tierra tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. FPP, donc ça c'est de la musique que Karina nous a ramenée. Donc peut-être que justement tu peux nous présenter le morceau qu'on vient d'écouter. ¿De quién es el son que hemos escuchado? Estamos escuchando a la música Evelyn Cornejo. Ella es de la ciudad de Talca, del Maule, de Chile. Y es cantautora chilena y su música se ha dedicado a buscar también un poco lo relacionado con los trabajadores, con los mapuches y con el pueblo chileno. Oui, alors il s'agit de la chanteuse Evelyn Cornejo, qui est de la ville de Talca et qui a toujours des chansons assez engagées vis-à-vis des travailleurs du peuple mapuche et des... El pueblo chileno. Du peuple chilien en général et de ses luttes. Muy bien. Et donc justement, maintenant qu'on voilà, on s'est mis en piste, on va pouvoir commencer à t'écouter. Du coup, pour la traduction, vamos a intentar que hablas así más lento para que podamos traducir sin perder mucho de todo lo que estás diciendo. Muy bien. Donc vamos a dejar presentarte para decirle qué estás haciendo dentro de tu grupo de trabajo, el Centro de Investigación y Defensa del Sur de Chile. Muy bien, bueno, mi nombre es Karina Riquelme, agradezco la invitación a la radio. Pertenezco al Centro de Investigación y Defensa Sur, una organización de Chile, del sur de Chile, autónoma, independiente, que lleva 8 años dedicados a la defensa, tanto de chilenos como de personas indígenas que se encuentran acusados por ejercer la protesta social. Bien, je fais partie donc de cette association de recherche donc de CITSUR, ça veut dire Centre de recherche et de défense du Sud, et nous existons d'abord qui est autonome, autogéré et qui existe depuis 8 ans et qui est dédié à défendre autant les Chiliens que les non-Chiliens, les Mapuches aussi, qui sont accusés pour des faits qui sont liés à leur lutte sociale. Estamos compuestos por distintos profesionales, en su mayoría somos abogados, y nacimos en realidad por la necesidad existente en la Araucanía de ejercer defensa técnica especializada en particular al pueblo mapuche, que hoy día vive una intensa criminalización. Bien, nous sommes composés de plusieurs, personnes différentes, mais majoritairement d'avocats. Nous sommes nés surtout pour, en raison de la nécessité de défendre particulièrement les Mapuches, qui sont criminalisés pour leur lutte sociale. Et donc, on doit exercer une défense particulièrement technique, juridiquement, par rapport à cette criminalisation dont ils sont absolument victimes. Desde el año 2010 nos hemos especializado en particular desde que comienza la invocación en Chile, comienza con anterioridad, pero en el año 2010 existe una invocación amplia de una ley especial que es la ley que califica las conductas terroristas en nuestro país y la que es ejercida de manera directa en contra del pueblo mapuche. Bon, depuis 2010, nous avons dû travailler justement pour agir juridiquement contre une loi qui s'appelle la loi antiterroriste, qui date aussi de l'époque de la dictature de Pinochet, et donc qui était à l'époque exercée contre les militants contre la dictature, et qui, à présent, depuis 2010, est appliquée aux Mapuches, aux militants Mapuches, ou à ceux qui activistes, qui luttent pour leurs revendications de terre et qui sont accusés avec cette loi qui est appliquée dans les procès. Donc, la législation, il faut justement avoir une spécification pour lutter contre cette loi antiterroriste. De esta manera hemos estado presentes en todas las causas, en todas las causas en las cuales un organismo especial de Chile, que es denominado el Ministerio Público, ha insistido con la invocación de esta ley especial y con la existencia del terrorismo en Chile, cuestión que a la medida que han pasado los años, como centro y en los juicios, hemos demostrado tanto la inocencia de las personas acusadas como la nula existencia de terrorismo en Chile. Oui, depuis donc cette époque-là, nous avons dû traiter beaucoup de cas où était justement appliquée cette loi antiterroriste, notamment par le ministère public, qui est une sorte de, on pourrait appeler ça, oui, c'est un groupe de procureurs en fait, nommé par l'État. Son designado por el Estado chileno. Sí. Sí. des procureurs donc, qui sont dans ce groupe, ça s'appelle le ministère public. Et nous avons multiples fois pu démontrer l'innocence des personnes qui étaient inculpées. Et il faut parler peut-être de la prison préventive à ce propos-là, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est... Je ne vais pas... C'est m'agrégue. Attends. Et on a pu prouver qu'il n'existait donc pas de terrorisme mapuche au Chili. Voilà. Más de nuestro trabajo se puede ver en la página que tiene el centro, que www.sitsur.cl. Ahí se pueden ver las noticias, los juicios que hemos llevado a cabo y el trabajo que hoy día no solamente se desarrolla a nivel técnico de los juicios, sino además como representante en las agrupaciones de derechos humanos de la Araucanía, que se encuentran preocupadas hoy día por los altos niveles de violencia existente en contra del pueblo mapuche, tanto en las comunidades como en contra de los dirigentes, los cuales son enjuiciados. Bien, lo mejor para ceux qui peuvent lire l'espagnol, il y a une page web qui s'intitule www.cidsur.cl dans laquelle on peut voir les nombreux procès que nous avons pu suivre et aussi le travail que nous développons au sein du CIDSUR pour informer de ce qui se passe et aussi du haut niveau de violation des droits de l'homme qui se commettent contre les communautés, dans les communautés, et à l'égard des dirigeants de ces communautés ou des porte-parole, Werken, porte-parole también. Et voilà. Sí, eso es lo que podría decir del centro. De manera esto, general, sí. Y entonces, a lo mejor ahora puedes entrar tal vez en detalle sobre a qué viniste en especial ahora en este momento, si a qué asunto quieres... Bueno, he sido invitada... Voy a traducir. Donc, je demande justement pourquoi elle est venue ici, là. Qu'est-ce qui l'a fait venir, sa présence ici en Europe? He sido invitada por la agrupación Tierra y Libertad y agrupaciones de chilenos que he tenido la oportunidad de visitar distintas organizaciones para dar a conocer lo que efectivamente está sucediendo en Chile, lo que a las agrupaciones internacionales a través del Estado chileno no llega la información. Por lo cual nosotros de primera mano, digamos, podemos dar a conocer lo que efectivamente sucede en el sur de Chile con los pueblos indígenas. Oui, donc en fait, elle est venue surtout pour informer de ce qui se passe actuellement au sud du Chili. Et elle a été donc invitée par l'association Terre et Liberté. Je voudrais ajouter aussi l'association Nuevo Concepto Latino qui se trouve à Fontenay-sous-Bois et qui en fait aussi est très importante puisqu'elle regroupe, elle se trouve dans une communauté qui historiquement a accueilli beaucoup de Chiliens, d'exiliés chiliens après le coup d'État. Et également des associations de Chiliens qui se trouvent à l'extérieur, en Europe, et qui sont devenues très solidaires de la lutte du peuple mapuche. Donc elle est venue aussi pour faire connaître cette situation qui se trouve actuellement de criminalisation des luttes. Ce qui effectivement sont des informations dont eux ils sont porteurs, puisque c'est de première main, ce qui n'est évidemment pas diffusé par le Chili, quel que soit le niveau, les médias, ni le public. Non, ni parce même que les médias public. Sont, en fait, je mets à intervenir, c'est que les médias sont aux mains des groupes économiques qui sont donc... on va en parler peut-être plus tard. Decía que aparte que no sale este tipo de noticias que tienen porque precisamente están, decía, se puede decir también que los medios, sí. Pero a lo mejor vamos a hablar después de lo que es todo, ¿no? La criminalización. Podemos hablar quizás a propósito, sí, de los medios chilenos, de Mapu Express más tarde. También, sí. Entonces te invitaron y llegaste apenas, ¿no? Entonces, sí, llevo apenas arrivé, donc justement. Sí, llevo pocos días, estoy recién comenzando y pretendo realizar una amplia difusión, en particular también a las agrupaciones de derechos humanos existentes y a los grupos de chilenos que llevan muchos años fuera de Chile, para que conozcan la problemática actual existente y lo difícil también que es para nosotros como defensores de derechos humanos poder ejercer nuestro trabajo hoy día en Chile. Donc elle voulait venir donc pour effectivement elle, donc elle est arrivée à peine, mais donc l'objectif c'est de pouvoir rencontrer différentes organisations, mais aussi donc des Chiliens et notamment des Chiliens exilés qui du coup ont depuis très longtemps plus finalement de contact avec la réalité du Chili, et puis informer également sur la situation que vivent eux-mêmes les défenseurs des droits de l'homme et de, des agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de ce travail. Sí, así es. Entonces ya te vas a viajar, entonces en el viaje ya vas a encontrar varios grupos, pero no decidiste o no se hace encuentros con organizaciones internacionales. No es el asunto, ¿no? Es más así de igualmente, encontrar... Igualmente tendremos reuniones con Amnistía Internacional, con las Naciones Unidas, con los cuales igual en Chile nosotros mantenemos una relación con esas organizaciones, las cuales nos han otorgado protección, puesto que en estos 8 años de trabajo hemos tenido bastante acoso, en particular de parte del Ministerio Público, quienes nos han instruido muchas investigaciones. En nuestra contra hemos tenido seguimiento, fotografías y hostigamientos, por lo que también venir al extranjero a contar lo que pasa genera para nosotros también un tipo de protección. Oui, donc elle va aussi parler auprès des différentes organisations des droits de l'homme qu'elle va rencontrer ici en Europe et des comités chiliens de solidarité. Elle va aussi. Elle a besoin de cela parce qu'en fait, elle aussi de sourd et surtout elle et un autre de ses collègues ont été criminalisés, donc subi des harcèlements, des filatures, des photographies durant des procès et donc Amnesty International du Chili a été, je les a donc a fait une campagne de protection à leur égard sur ce sujet. Sí, para nosotros es muy importante que exista este tipo de protección, puesto que hoy día la mayoría de los defensores de derechos humanos que ejercen defensa o ayudan al pueblo mapuche se ven afectados de distintas maneras, por lo que la solidaridad también internacional nos ayuda a nosotros para poder seguir. Igualmente, puesto que al ser una organización independiente no recibimos ningún tipo de fondo estatal, sino que nuestro trabajo se basa en la autogestión y el trabajo propio que nosotros mismos y la solidaridad, digamos, de los pueblos también. Oui, elle rappelle que quand même la majorité des défenseurs des droits humains au Chili se sont trouvés affectés par la criminalisation, et elle signale aussi qu'ils ne reçoivent aucun fonds de la part de l'État chilien, que tout est basé sur l'autogestion et le bénévolat tant bien. Si. Et la solidarité aussi. La solidarité aussi. Des peuples. Et donc justement, ce serait peut-être intéressant qu'elle puisse un peu détailler de comment on réussit à maintenir le travail de 10 personnes dans un contexte, bon, ben, certes difficile, mais aussi qui demande des moyens. Donc on pourrait peut-être demander comment concrètement, en fait, comment ils s'organisent pour récolter des fonds avec la solidarité. Comment s'est organisée la possibilité de tenir fondos para... Porque no son bien pagados, el problema que la población que usted va a defender. Sí, bueno, nosotros, los Lamien, que son los integrantes del pueblo mapuche, realizan aportes solidarios a los integrantes de Sitsur, los cuales están por muy debajo los precios de lo que significa esta defensa especializada que nosotros tenemos. Nadie es tan especializado en la ley antiterrorista como nosotros. Y además, en los juicios que llevamos, existe también la posibilidad de ganar las costas o el pago del trabajo que se ha ejercido, pero no siempre es entregado. Por lo cual también nosotros vivimos del apoyo y las donaciones, que por eso nuestra página, la que di anteriormente, hay una cuenta de banco para que se pueda ejercer apoyos y donaciones. En fait, il y a des apports qui sont solidaires de la part des personnes qui sont défendues. Mais c'est des petits apports. Non, bah, je sais pas, je t'entendais pas très bien. Ah bon? Ouais. Non, je dis qu'il y a des apports solidaires, mais ils sont très minimes parce que les personnes qu'elles défendent n'ont pas toujours de gros moyens. Donc le problème, c'est aussi de trouver les ressources. Il y a des donations qui sont données, mais bon, pas suffisantes. Donc le but aussi de sa venue, c'était aussi de faire comprendre qu'il y avait une campagne d'appui, disons, financier pour le site sourd. Et donc, ils ont dans leur site un compte bancaire qui permet aux personnes à l'extérieur, de à l'intérieur, faire une donation, exactement, un virement sur, voilà, ce compte. Pour les soutenir. Voilà. On va faire une petite pause musicale et on va continuer après en entrant peut-être plus en détail sur les cas que vous avez pu rencontrer et défendre et ensuite parler un peu de tout ce qui se passe au Chili. Petite pause musicale. Que viene lo pago, sacar. te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sácale el quite al guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste. Resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste. Resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos. La historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado. 3 FPP, la jungle des luttes. Donc vous êtes en train d'écouter donc le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30. Et là ce soir on est avec une avocate chilienne, Karina, qui fait partie d'un centre d'investigation et de défense de la zone sud du Chili, un centre surtout autonome et autogéré. Donc avant qu'on fasse la pause musicale, on était justement en train de parler de la possibilité de leur faire des dons si vous avez envie de soutenir ce travail. Donc fait en partie avec, enfin il y a une part de bénévolat, il y a surtout une part de solidarité qui peut être apportée à ces professionnels qui pensent comme essentiel défendre les Chiliens et notamment les Mapuches qui sont en train de subir une criminalisation pour la défense, les défenses sociales ou de territoire. Donc on la remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Elle est en tournée en Europe, donc là c'est sur son début de découverte. Donc voilà, il y a le site, c'est www.citecité.cl, non ? Alors, www.cidsur.cl. Voilà, si vous voulez éventuellement avoir accès à ce site pour avoir plus d'informations, éventuellement faire des dons, il y a donc la possibilité de trouver le compte. Et donc on va peut-être parler justement de ce qui se passe donc concrètement, puisque en tant qu'avocat, ils défendent certains nombres de cas, et donc notamment des prisonniers politiques, puisque c'est des personnes qui sont accusées souvent évidemment innocentes, et donc il va falloir les défendre. Et donc on va laisser Karina nous parler un petit peu de ce qu'elle a comme nouvelle à nous raconter des différents cas, pour qu'on n'oublie pas toutes ces personnes justement et qu'on puisse donner un peu un cadre plus concret. Sí, sí, algo. Pasar. Entonces, si nos puedes explicar un poco de los casos que están defendiendo en este momento para ver cómo se puede seguir apoyando también, comment nous on peut continuer peut-être à les aider, si c'est pas au moins un appui financier, ça peut être une solidarité, manifester sa solidarité. Bueno, actualmente existen dos casos importantes en Chile que están llevándose a cabo. En estos momentos incluso se está llevando a cabo una audiencia en Chile. Me acabo de comunicar con mis colegas de allá y me dicen que se acaba de desmayar uno de los imputados, Ariel Trangol, quien se encuentra hace más de 100 días en huelga de hambre por la aplicación de la ley antiterrorista y en particular por la prisión preventiva que genera la aplicación de esta ley. Oui, elle signale donc qu'il y a deux cas importants actuellement qui concernant les procès, notamment un procès qui concerne l'incendie d'église, d'Iglesias, non? C'est le cas Iglesias qu'on appelle, voilà, parce qu'il y a eu un incendie d'église. Et un inculpé qui est Ariel Trangol est en grève de la faim pour justement refuser que la loi antiterroriste lui soit appliquée lors du procès. Et donc là justement, il y a son procès qui est en cours et elle avait des nouvelles de ses collègues qui justement lui expliquaient que là il était sur le point de s'évanouir après ses 100 jours de grève. Ellos se encuentran en prisión preventiva desde el 6 de junio del año 2016, es decir, hace más de un año. Voilà, il est en prison préventive depuis juin 2016. C'est aussi la raison pour laquelle les prisons préventives sont très longues là-bas. La huelga de hambre, y es importante decirlo porque existe hoy día y ha existido a lo largo de estos 10 años, es un medio utilizado por el pueblo mapuche para presionar, en particular por la utilización de esta ley especial, la cual se aplica discriminatoriamente solo a los miembros de este pueblo y con la finalidad de desmovilizar. Oui, donc la grève de la faim, c'est le moyen qu'ont déjà pris antérieurement les inculpés mapuche et encore maintenant pour nier, refuser cette loi antiterroriste qui leur est appliquée à eux seulement. J'ai oublié. Et donc c'était un moyen de pression. Oui, c'est pour un moyen eux, de pression. L'un oui. des c'est seuls. Le seul. Sí. Desde el año 2010, cuando se comenzó a invocar en el gobierno de Bachelet la ley antiterrorista en contra de 23 mapuches en ese tiempo, en distintas causas. ¿23? Sí, 23. Ya. En 2010, sous le mandat de Madame Bachelet, la loi antiterroriste a donc été exercée contre 23 inculpés mapuches. En ese tiempo, igualmente, todos los acusados por esta ley realizaron una extensa huelga de hambre, donde habían mayores y menores de edad, y donde incluso la ley se le aplicó en contra de niños. Donc cette loi donc a été utilisée en fait, et il y a eu une très très longue grève de la faim dont on se souvient d'ailleurs. Et parmi ces 23 inculpés, il y avait des mineurs, des jeunes mineurs. Donc voilà, donc c'était. Et des anciens aussi. Des anciens, non. Surtout. Non, parce qu'elle a dit des âgés. Des... Debido a la huelga de hambre, se generaron reformas legales. Y gracias a esta huelga de hambre, se logró que no se aplicara más a los niños. Y además también se realizaron otras reformas estructurales dentro de la ley. Donc il y a à la suite de cette grève qui a été fort longue, il y a eu une réforme juridique concernant la loi antiterroriste qui ne devait plus être appliquée désormais aux mineurs. Lo grave de esto es que el pueblo mapuche o los inculpados siempre han tenido que utilizar su propia vida para poder llamar la atención respecto de la invocación de esta ley que les priva de libertad a la mayoría dirigente del pueblo mapuche, dirigente movilizado. Oui, le grave de cette situation, c'est que chaque fois, le peuple mapuche a dû payer de sa vie, de sa santé, et gravement pour lutter contre l'application de cette loi antiterroriste qui continue d'ailleurs l'application, excepté pour les mineurs, bien sûr. En el año 2010, Felipe Huanchullán estuvo a punto de morir. Uno de los huelguistas, que fue el que llegó a niveles de gravedad respecto de los cuales tuvimos que convencerlo, la familia, para poder conectarlo a alimentación, puesto que él estaba dispuesto a dar su vida por lo que estaba sucediendo. Oui, le rappelle que en 2010, donc Felipe Huanchullán a risqué sa vie, il a été à l'ultime moment et on a dû intervenir auprès de sa famille pour l'obliger à se réalimenter. Sinon, il aurait été jusqu'à la mort. En el año 2017, la machi Francisca Linconao estuvo a punto también de perder su vida por la misma razón. En 2017, donc la machi, qui est une autorité spirituelle mapuche, a qui s'appelle Francisca Linconao, a donc failli aussi mourir pour avoir été à l'extrême de la grève de la faim et finalement être innocente d'ailleurs. Entonces, esto da cuenta de que en 7 años Chile y las autoridades del Estado chileno no han realizado ningún tipo de cambio respecto de el trato existente hoy día hacia los dirigentes y las comunidades movilizadas del sur de Chile. On peut donc dire que depuis en 7 ans le Chili et l'autorité et les autorités judiciaires n'ont absolument pas fait le moindre changement pour le traitement des disons des des causes dans lesquelles les Mapuches sont donc inculpés. Et donc l'application de la loi antiterroriste continue, voilà. Aún cuando todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el relator de las Naciones Unidas especializado en terrorismo han declarado que en Chile no hay terrorismo, pero igualmente el Ministerio Público continúa invocando la ley y el pueblo mapuche ha tenido que atentar contra su propia vida para seguir luchando y exigiendo que no se le aplique esta ley especial. Alors que beaucoup d'organisations internationales comme Amnesty, comme la Fédération internationale, comme la CID, relator de las Naciones Unidas. Todas les Nations Unies, d'accord, le comité des droits humains aux Nations Unies. Également des organisations des droits de l'homme au Chili, l'Institut national des droits des humains, ont dénoncé et fait savoir qu'il n'y avait pas de terrorisme au Chili, en tout cas pas de la part des Mapuche. Incluso, disculpa. Entonces al final, et que du coup finalement le peuple chilien est obligé de se défendre contre une loi qui du coup normalement ne devrait pas avoir lieu, puisque de fait ils souffrent eux-mêmes cette loi terroriste qui n'a aucun sens. On pourrait dire qu'il y a des terrorismes d'État. Por eso que tú nos expliques, es el Estado. Néstor dice que se puede decir que hay un terrorismo de Estado. Sí, yo creo que podríamos decir al menos que el Estado tiene un desprecio por los organismos internacionales. Y eso es muy importante porque hoy día el Estado chileno fue condenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos por la aplicación de la ley antiterrorista. Y aún existiendo esa sentencia, no tiene ninguna validez en nuestro territorio o en el territorio en el cual ejercemos nuestro trabajo, pues esta ley se sigue invocando y nosotros seguimos observando cómo el pueblo mapuche utiliza su vida, aún existiendo condenas en contra del Estado por la aplicación de esta ley. Oui, Karina explique que internationalement, cette loi antiterroriste a été condamnée, notamment la CIDH, la Cour internationale des droits de l'homme, a condamné l'État chilien justement pour cette question d'application de la loi antiterroriste vis-à-vis des Mapuches, qui payent de leur vie depuis longtemps pour que cesse cette application. Et aún también, habiendo ganado todos, absolutamente todos los juicios. Nunca se ha declarado judicialmente la existencia de terrorismo en la Araucanía. No hay ninguna sentencia al respecto. Es decir, ni los jueces creen que hay terrorismo. Tampoco lo creen las organizaciones internacionales. Los únicos que invocan esta ley, en definitiva, es un organismo especial que hay en Chile que se denomina Ministerio Público, que es el que persigue la concurrencia de delitos, la ocurrencia de delitos, y que hoy día tiene cero eficacia, porque han perdido todos los juicios, en todos los años que nosotros llevamos trabajando, que son 8 años. Depuis 8 ans que le CIDSUR travaille sur ces procès, on a pu constater que finalement aucune sentence n'a pu prouver justement l'existence du terrorisme mapuche, puisqu'il s'agit de ça surtout, pas d'autre. Et donc, on en est là, et surtout le ministère public a perdu tous les procès dans lesquels il avait voulu appliquer. Et je voudrais ajouter une chose que peut-être il faudrait parler, de l'utilisation de témoins à charge, témoins cachés, non identifiables, dans les procès que le ministère public utilise à l'encontre des Mapuches. Et donc, on en est là. De cette situation où il faut continuer donc à dénoncer ce ministère public. Bueno, ese organismo, el Ministerio Público, es un organismo que hoy día en Chile no tiene ningún control. Es decir, no tenemos un superior al quien reclamarle respecto de su ineficacia y respecto de sus actuaciones, que nos parecen en muchos casos arbitrarias y al límite de la legalidad. Nosotros hemos denunciado la existencia de apremios ilegítimos de parte de los fiscales, los cuales desgraciadamente no han llegado a buen puerto, porque ellos mismos se investigan. Oui, le ministère public est un organisme qui a toute autonomie, finalement, et il n'a aucun contrôle dans ses actions et dans ses investigations. Sí, efectivamente. Parce que vous-même, et que du coup, il n'y a aucune instance supérieure. Et du voilà, coup, c'est, non, y a, tu as raison. Non, aucune voilà. Instance supérieure, ce qui fait qu'ils sont inaccessibles et ça rend inefficace tout le travail qu'il peut y avoir justement par rapport à ces condamnations. Lié à l'application de cette loi antiterroriste. Oui, et donc finalement, les défenseurs se trouvent très, très en grande difficulté, puisqu'eux-mêmes peuvent être criminalisés du fait de leur défense. Sí, respecto de eso es que tan grave es la situación del Ministerio Público que cuando nosotros hemos denunciado su actuar, ellos comienzan investigaciones en contra de nosotros para digamos, hostigarnos y bueno. Que tengamos miedo de seguir trabajando en lo que hacemos, digamos. Oui, quand les défenseurs ont commencé à dénoncer l'attitude du ministère public au Chili, ils ont eux-mêmes été objet d'investigation, d'enquête. Et donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, antérieurement, de filature, donc pour discréditer et les faire peur, évidemment. Voilà. Et leur faire peur, voilà. Des menaces également téléphoniques. Mais Santiago, je pense qu'on pourrait dire qu'au Chili existe une petite Gestapo. Parce que c'est un comportement qui a un contrôle total. Et que personne ne peut le demander des comptes. O sea, nosotros hacemos un análisis crítico del Ministerio Público desde hace muchos años. Y las denuncias que hemos realizado nunca han tenido ningún resultado. Y los fiscales que desde el año 2007, están desde 2010, digamos, desde la reforma, están en sus cargos, aún perdiendo todos los juicios, son elevados de grado y nunca han tenido ningún tipo de sanción por no encontrar a quienes realizan los actos delictivos, ni tampoco por perseguir a defensores de derechos humanos, a sus colegas, porque son nuestra contraparte en los juicios, y no llegar a ningún puerto con esas investigaciones, digamos. Ah, là, j'ai un peu de difficulté à traduire. La seule chose que j'ai commencé de comprendre, c'est qu'ils ont fait depuis longtemps une analyse critique donc, du rôle. Et donc justement, eux, en ayant condamné et en ayant critiqué ce ministère public, ils ont donc eux-mêmes été investigués. Et donc ils ont finalement, ils se sont retrouvés investigués par des collègues, puisque c'est l'autre partie, eux sont avocats et les autres sont des juges, et donc c'est la même, ça devrait pouvoir travailler ensemble, et là on voit bien que c'est des juges qui sont en train d'investiguer sur des avocats, et donc une situation effectivement qui est complètement absurde et qui montre aussi l'impossibilité de réellement réussir à travailler contre ce ministère public. On va faire une petite pause musicale et puis on revient et on continue à apprendre un peu cette situation au Chili avec Karina du Centre d'investigation et de défense du Sud au Chili. Los hombres son los salvajes. FPP, la jungle des luttes, donc on est encore ensemble une grosse demi-heure, donc toujours avec Karina qui nous parle de son travail de défense d'elle et de ses compañeros au Chili, et donc avec une dure résistance face à l'application d'une loi terroriste qui a pourtant été condamnée par différentes instances internationales et qui pourtant est appliquée par l'État chilien. Et donc la seule victoire, ça a été qu'on n'applique plus maintenant cette loi sur des mineurs, mais c'est uniquement la seule petite victoire et encore, ça reste encore très important d'en parler. Et donc c'est pour ça que Karina est ici en France, pour dénoncer ce qui est en train de se passer, donc justement aussi de toute la difficulté de pouvoir continuer à travailler et à défendre en tant qu'avocat, puisque ces personnes sont elles-mêmes victimes aussi d'agressions, d'une pression, de manière à ce que ces personnes lâchent et cèdent et ne défendent pas toutes ces personnes victimes du terrorisme d'État, comme on disait d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de terrorisme, puisque c'est ce qu'on disait, aucune personne n'a été condamnée pour terrorisme au Chili, et finalement le seul terrorisme qu'on pourrait identifier, c'est celui, comme le disait Nestor, terrorisme d'État. Et donc justement, avocats et puis autres professionnels de ce centre, et puis sûrement d'autres évidemment, ont été donc eux-mêmes attaqués et accusés. Tal vez entonces pueden hablar de la experiencia que ustedes están viviendo, han vivido en cuanto todo el hostigamiento y proceso. Bueno, desde el año 2010, desde que hemos nacido, apenas a los 2-3 meses de que estábamos trabajando, nosotros presentamos muchas querellas en contra de la PDI y en contra incluso del Poder Judicial y el Ministerio Público. En contra de la PDI dieron fruto recursos de amparo porque la PDI se encontraba hostigando niños mapuches. ¿Qué es la PDI? La Policía de Investigaciones. La Police de Renseignement. Ok. Depuis 2010, depuis le début de 2010, on a commencé à travailler. On a présenté beaucoup de plaintes, déposé beaucoup de plaintes contre la Police de Renseignement, la PDI, c'est Yama, ça s'appelle en chilien, et le ministère public. Sí. Et notamment par rapport à des violations contre des enfants, des mineurs. Sí. Dieron fruto y fueron muy conocidos porque fue la primera vez que el Poder Judicial reconoció que la policía hostigaba a niños mapuches. Et donc finalement, on a eu gain de cause puisque finalement, on a fini par reconnaître l'abus de la part de la police. El recurso se llamaba Karina Riquelme en contra de la PDI. Le recours s'est appelé Karina Riquelme contre la PDI. C'était le... Il salió en todas partes. Et c'est sorti, ça a été diffusé partout, y compris dans la prensa. Sí. En toda la prensa. Mais vous aurez tous compris que Karina Riquelme c'est ici présente. Dos meses después llega a mi domicilio una citación a la policía de investigaciones. Deux mois plus tard est arrivé à mon domicile une citation à comparaître de la part de la PDI, sí, de la police de renseignement. Llego a la policía y me cuenta la policía que no se trataba de alguno de mis casos. Lo que yo pensaba era que era por algún caso que yo llevaba, sino que había una investigación en mi contra. Alors, elle est allée à la police et elle a dit non, en fait, il s'agit d'une... Il ne s'agit pas de cas qu'elle était en train de défendre, voilà, mais de l'investigation sur d'une enquête qu'on faisait sur elle. Y yo pregunté quién me había denunciado, cuál era el problema. Et elle a demandé qui l'avait dénoncé et quel était le problème. Y no había denuncia alguna. Il n'y avait aucune dénonciation. Había sido una investigación de oficio. C'était une dénonciation, c'était une enquête menée par l'office, par les bureaux, par le... La cual había sido realizada por el fiscal que era mi contraparte en las causas por terrorismo. Alors, c'était en fait une enquête qui avait été commandée par le procureur qui était ma partie adverse et dans des cas où il s'agissait d'utiliser la loi antiterroriste. Fui llevada a juicio y condenada a 20 días por lo que denominaron ellos fingimiento de la profesión. Oui, elle a été condamnée à 20 jours de prison pour abus de la profession. Fingir la profession. Abus de professionnel. C'est comme si on ne lui reconnaissait pas sa capacité de défenseur. Que no es lo mismo que ejercicio ilegal. Ya, no hay nadie en el país que haya sido condenado por un delito como ese. Nadie, no personne, existe personne n'a été jamais condamné pour ça, c'est ce une type de, délit, de ouais. Ce type de délit. Mi collègue Pablo Ortega, mon collègue Pablo Ortega, fue intervenido judicialmente de parte de el Ministerio Público de manera ilegal su teléfono. A subi donc de la part du ministère public des écoutes téléphoniques. Se hizo pública su vida personal. ¿Cómo? Se hizo pública su vida personal. Ils ont rendu public sa vie personnelle. Y le generaron muchos problemas. Ce qui a conduit à beaucoup de problèmes personnels. A nivel personal y profesional, perdió sus clientes. Et personnel, puisque professionnel également, puisque ça lui a fait perdre beaucoup de clients. Puisque il faut vivre aussi à côté. En el año 2016. Que nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo personas de civil. On s'est rendu compte aussi qu'on était suivi par des civils, voilà, des filatures. Que nos sacaban fotografías. Qui nous prenaient des photos. Y denunciamos el hecho ante la corte de apelaciones. Et on a dénoncé devant la cour d'appel. En esa denuncia nos comunica el Ministerio Público que nuevamente había investigaciones en contra de todos los abogados defensores del caso Luxinger. Donc, et on a appris ainsi qu'il y avait des enquêtes menées sur tous les défenseurs qui étaient, impliqués ou qui étaient, qui participaient à la défense dans le cas Luxinger dont on va parler maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce le cas Luxinger? Un cas très important en la Araucanía, puesto que ha sido el hecho más grave que ha sucedido en el sur de Chile, donde murieron dos personas colonas de la región en un incendio. Donc le cas Luxinger est un des cas les plus graves qui soient survenus dans la région de l'Araucanie, puisqu'il s'agit d'un incendie où est mort un couple de colons dans sa maison. Voilà. Tu peux peut-être dire ce qu'on appelle colons. Colons, en fait, c'était des Suisses allemands, Suisses alemanes. Alemanes. Desde cuánto tiempo esto? Desde 1860. Lo digo porque como se habla de Colón y que a lo mejor nada más para saber sí. Que no se habla de este tipo de no se usa de esta palabra en México, por ejemplo, sí, ¿no? Voilà, aunque colons, ya colonizaron, pero entonces, donc, parce que je disais que du coup, nous on n'utilise pas, par exemple, le mot colon au Mexique pour parler des personnes qui ont effectivement colonisé des terres, comme ça a été le cas dans plusieurs régions par des Suisses, enfin des Allemands, des Suisses ou des Italiens, et pas forcément la deuxième vague de colonies, en fait. Il y a eu les premières vagues avec les Espagnols et les Portugais. Puis les deuxièmes vagues avec des Italiens, des Allemands, enfin peut-être au Chili, peut-être pas d'Italiens, mais enfin au Brésil, je sais qu'il y a eu des... Voilà, donc juste pour un peu expliquer pourquoi on parle aussi de colons, parce que c'est encore aussi une deuxième vague avec du coup des générations qui sont plus proches, puisque apenas dos siglos, no? Enfin, digo, 150 ans diferentes de 500 años de los primeros. On va dire propriétaires terriens. Des grands propriétaires terriens, ceux qui se sont installés, qui ont bénéficié justement de grands territoires, puisqu'ils venaient investir le territoire. Sí, es importante la familia Luxinger en particular porque en su territorio igual muere Matías Catrileo en el 2011. Oui, en fait, ce territoire où était ce couple, et c'est aussi un lieu où est mort, a été assassiné par la police. Un jeune mapuche en 2011. Y es así como vemos estos hechos graves, muerte de colonos, muerte de mapuches, por la falta del Estado chileno de solucionar este conflicto. Oui, donc on déplore qu'il y ait à la fois la mort de personnes, un couple âgé de propriétaires terriens, et d'un autre côté, la mort de jeunes mapuches assassinés par la police. Et que parce que l'État chilien n'a pas réussi à résoudre ce problème de conflictuel et lié à la récupération de terres. Et il faut rappeler aussi les deux mapuches qui ont été assassinés par un ex-policier. Sí, reciente, el último año había dos este año. Sí, Luis Marileo. Ya. Yeah. Sí. Que también, bueno, sí, conocido de nosotros, lo representamos en numerosas oportunidades. Bueno, el 2013 mueren los miembros de la familia Luxinger y es detenido Celestino Córdoba Machi, que fue llevado a juicio y que fue condenado a 18 años por este hecho. Donc à la suite de cette mort dans un incendie, qui était considéré comme criminel, a été arrêté un machi, Celestino Cordava, qui a été condamné à 18 ans, 18 ans, c'est ça, 18 ans de prison. Tres años después son detenidos 11 comuneros, todos dirigentes de distintas comunidades, de distintos LOF, que se denominan, en Mapudungún. Y además incluso una autoridad ancestral como la Machi Francisca Linconao. 11. C'est ça. Trois ans plus tard, donc il y a eu une opération qui s'est dénommée Huracán. Non, c'est pas ça. Non, esa es otra. Ah, otra. Esa es del 2017. Sí, pardon. trois ans plus tard, donc il y a eu 11 Mapuche, dont la Machi, c'est vrai, la Machi Linconao, qui ont été donc arrêtés et mis en prison préventive. Sí, son detenidos en el 2011 en el control de detención la única prueba existente, que era la declaración de un coimputado, José Manuel Peralino Huinca, dice y expone que había sido apremiado para poder firmar una declaración en contra de todas las personas que estaban ahí, de parte de dos miembros de la Policía de Investigaciones. Oui, alors en fait, ils ont été arrêtés à la suite de la déclaration d'un autre Mapuche, sí. co-détenu, co-détenu, donc, sí. qui avait été obligé de, par deux policiers, de signer une déclaration impliquant donc les 11 autres, les 10 autres, dans l'affaire du caso Luchinger. Él, incluso la audiencia muestra sus brazos, que, donde da cuenta de que la última vez que lo premian es ese mismo día en la mañana, y los policías le dicen que, que ellos iban a perder el trabajo porque él no quería continuar con la mentira. Ya. Donc il a finalement, au cours du procès où il devait justement témoigner, il ne voulait pas continuer, donc les policiers lui ont dit qu'il allait perdre son travail s'il ne témoignait pas publiquement dans le procès. Aun así, habiéndose retractado en audiencia y denunciado estos hechos en contra de estos policías conocidos por nosotros, nosotros en otras oportunidades ya lo habíamos denunciado a ellos por apremio, igualmente a todos los acusados se les aplica la prisión preventiva. Donc finalement, il a dit qu'il avait été donc forcé en plein procès. Il a avoué qu'il a rétracté. Il s'est rétracté malgré publiquement. Ouais. Voilà. Et donc ça a permis de voir que tous les autres avaient été condamnés, inculpés pour rien. Et c'est surtout qu'en plus, il y a précisément déjà eu des dénonciations de ces deux policiers par eux-mêmes, ce groupe d'investigation qui avait eu l'occasion de dénoncer déjà cette pression qui était faite ces policiers, donc du coup qui avaient donc fait pression sur ce faux témoin en fait. Y esta es la gran razón de la aplicación o la invocación de esta ley especial, una ley creada en el gobierno de Pinochet y que produce el reforzar la prisión preventiva. Et cette loi, elle permet de renforcer la prison préventive. Et c'est une loi surtout une loi qui a été créée au moment de sous Pinochet. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que se necesita para que salgan en libertad los votos absolutos de los miembros de la corte. Es decir, si dos miembros dicen que salga libre, uno dice que no, queda preso igual. Entonces, tienen que ser los tres. Los tres o la unanimidad. Unanimidad, sí. Entonces, el problema de esta loi es que efectivamente no puede salir de esta prisión preventiva que si los tres juges son a l'unanimité de acuerdo para que esta persona sorte de prisión. Por eso la aplicación de esta ley especial. Ahora, igualmente. El Ministerio Público ha utilizado otro tipo de leyes especiales, recordando el caso Huracán que nombrabas tú. Ya, yeah. Donc on utilise aussi d'autres types de lois especiales. Especial. Porque hay un derecho común. Ya, yeah, le droit commun. Una ley común que se aplica a todo Chile. El mismo, oui. Y hay leyes especiales. Y hay leyes especiales. Que se están aplicando solo al Mapuche. Qui sont appliquées seulement au Mapuche. Todas nacieron en el gobierno de Pinochet. Toutes sont nées au moment de la junte militaire de Pinochet. La ley antiterrorista. La ley antiterrorista. La ley de la Agencia Nacional de Inteligencia. La ley de la Agencia Nacional de Renseignement. La ley de seguridad interior del Estado. La loi de seguridad interior del Estado. Todas se crearon para perseguir a quienes estaban en contra del gobierno de Pinochet. Qui servait à l'époque à poursuivre les opposants à Pinochet et qui maintenant sont utilisés pour poursuivre les Mapuches. Claro, miembros del Movimiento Izquierda Revolucionario, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para eso se crearon esas leyes. Et tous les militants d'extrême gauche, c'est pour eux, ces lois ont été créées. Ouais. Et les groupes anarchistes, non. Anarchistas. Sí. Hoy día, en particular, se invoca la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia, una norma que no cumple con ningún requisito para respetar el debido proceso. Ok. ¿Es una nueva ley? ¿Desde cuánto tiempo? No, no es nueva, es ley creada en el gobierno de Pinochet. Sí, sí, sí, pero por primera vez se invoca Ah oui, pour la première fois, cette loi spéciale de l'Agence nationale de renseignement est utilisée et elle n'a, on n'a pas besoin de réquisitoire. No cumple con los requisitos básicos. Et elle n'assure pas les processus normaux basiques. Oui, donc il n'y a pas de procès équitable. No hay proceso juicio equitable con esta ley. Claro. Primero se invocó y se condenó por esta ley a la Machi Millaray Huichalaf. Donc elle a été invoquée, elle a été utilisée contre une Machi c'était à l'époque. Qui a été condamnée. Oui, qui a été condamnée. En quel a ella se le condenó en el año 2013 al 20 días de reclusión. 2013. Hoy día el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Et actuellement, donc, il y a eu une plainte auprès de la CIDH, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour l'invocation de cette loi de l'ANI, finalement. Y hace muy poco, hace un mes, se invocó esta ley para tomar en prisión preventiva a 9 integrantes del pueblo mapuche, algunos miembros de la CAM, coordinador Arauco Mayeco, y otros también representantes como machis y huerquenes, muy conocidos y muy importantes de comunidades en resistencia. Donc cette loi, cette même loi a été invoquée justement dans la, au cours de l'arrestation de 9 Mapuche, qui sont à la fois dirigeants de la CAM, de la coordination Arauco Mayeco, qui est une coordination très résistante, très militante, et d'autres, voilà. C'est l'opération Huracán. Esa es la opération Huracán. La famosa opération que se llama Huracán. Et hay que decir que... Sí. Respecto de esa operación importante es la crítica que se realizó a un movimiento que por primera vez lo vimos, que fue el Poder Judicial en reunión con las policías, con el Ministerio del Interior y con los miembros de la Fiscalía, del Ministerio Público. À la suite de ça, il y a eu, après ces arrestations, il y a eu une réunion importante entre le pouvoir judiciaire, le ministère public, la police et quatre. Sí, miembros del Poder Judicial, les juges, les procureurs. El Ministerio del Interior. El ministro, et les représentants du ministère de l'Intérieur. Dos días antes de la detención de todos los integrantes de la Operación Huracán. En fait, esta reunión, cette réunion s'est faite deux jours avant l'arrestation des 9 Mapuche dirigeants, des gens les plus, disons, combatifs, militants. Mais, et finalement, il n'y avait pas de raison, il n'avait rien fait. Simplement, c'est une mesure d'intimidation pour les décourager de se mobiliser. Nosotros en estos 8 años de trabajo nunca habíamos visto que el Poder Judicial se inmiscuyera de esta manera con los poderes que se dedican a perseguir los delitos. On n'avait encore jamais vu ce type de disons de répression judiciaire faite par le pouvoir judiciaire en liaison avec la police et le ministère public. Fue por eso que nosotros denunciamos esta reunión que fue de 3 presidentes de cortes de apelaciones, es decir, de altos cargos del Poder Judicial. Lo denunciamos ante la Corte Suprema, que es la corte de más alto rango en Chile, a través de una carta, puesto que creemos que ellos estaban al límite de la legalidad en este tipo de reuniones. Ok, donc ils ont déposé plainte avec une lettre qu'ils ont déposée devant la Cour suprême du Chili pour dénoncer cette répression judiciaire, esta carta es fue publica ou sí. Sí, se encuentra incluso en la página de Sitsur. Sí. On peut trouver et lire cette lettre qui a été déposée auprès de la Cour suprême pour dénoncer cette situation dans le site du Sitsur, qui donc je rappelle www.sitsur.cl pour qu'on prenne connaissance de cette lettre qui doit être quand même très intéressante. Voilà. Y sí, después. Sí, para... sí, bueno, después de la. De la... Dime. Finalmente fueron inocentados. Bueno, ellos no, aún no, no, todavía no. Ellos están en proceso. Sí. Hoy día lo bueno que tuvimos respecto de esto fue que la Corte Suprema, la mayor corte que tenemos, que está fuera de la región, porque nosotros creemos que desgraciadamente el Poder Judicial dentro de la Araucanía hoy día está perdiendo la imparcialidad. Sí. Por eso tenemos que recurrir fuera de la región con otros jueces. Oui, et il semblerait que le pouvoir judiciaire en Araucanie perd beaucoup de son impartialité, en fait. Et que c'est pour ça qu'il est important d'avoir recours à la Cour suprême qui se trouve en fait à Santiago. Sí. Y obtuvieron buenos resultados al respecto. On a donc pu obtenir de bons résultats. Revocaron la prisión preventiva. Revoqué la prison préventive. Y hoy día sigue el proceso. Et le procès continue. Pero sin la prisión preventiva. Sans la ça veut dire están libres. En libertad. Ils sont en libre. Ah oui. Por eso que yo no entendí bien. Sí. Mais ben, je pense. Et donc finalement, ils sont en liberté. Du fait que la prison préventive. Mais ils vont le procès continue. Y eso. Quizá en una. El proceso continúa, pero en libertad. Pero firman. No, nada. Ninguna cautelar. Ok. Eso fue un gran golpe para el Ministerio Público. Ça a été un grand coup pour le ministère public que la Cour suprême intervienne de cette façon. Sí, y luego de eso igualmente sale el veredicto del caso Luxinger, donde salen libres todos los acusados, por lo cual el Ministerio Público se da cuenta de la ineficacia del trabajo que realiza este organismo. Et donc du coup les gens qui ont été impliqués dans le cas Luxinger vont donc sont libres justement du fait que la prison préventive n'est plus appliquée. Ahí tal vez terminamos sobre la presentación. Du coup, on va peut-être s'arrêter là pour finir tranquillement. Et puis, on va laisser la place aux copains, évidemment, à 20h30. Hein. Pas avant, c'est l'heure, mais là, ils sont bien au taquet, les copains. Et muchas gracias, Karine, por visitarnos. Gracias por su trabajo, sobre todo. Un saludo a todos los compañeros. Esperamos verte de regreso. Donc voilà, je l'ai remercié. Je lui ai souhaité plein de courage pour la suite dans son travail. Je l'ai félicité aussi. Et bah, peut-être qu'on aura l'occasion de la voir à son retour ou que vous aurez donc l'occasion d'avoir des informations. Après, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve encore pour les dernières minutes et vous passer les dernières infos. Musique. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Anticapitalista del corazón, Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. En 6.3, la jungle des luttes, donc vous êtes toujours avec le CSPCL, il nous reste 5 minutes encore, donc je vais surtout vous rappeler que donc aujourd'hui au Mexique c'est l'heure des indigènes, et donc du coup voilà, l'heure est venue comme ils l'ont écrit déjà en mai 2017, et donc du coup on soutient leur effort pour avancer toujours plus encore ensemble dans la résistance contre tous ces projets capitalistes, la répression et le terrorisme d'État, parce que finalement, qu'on soit au Chili ou pas, que le terrorisme d'État soit pas reconnu en tant que tel, mais il est là et on le vit bien au quotidien, ici aussi, avec des l'état d'urgence quand dans la Constitution, et donc toute une utilisation juridique profitant d'un contexte pour réprimer violemment les différents groupes collectifs, travailleurs, syndicats, organisations et peuples autochtones, indigènes, voilà, nous, là, les vivants sur Terre. Et donc, on est très, très attachés enfin, on regarde de près ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mexique, puisque donc, comme on vous l'a déjà annoncé, il y a eu la proposition de créer un conseil indigène de gouvernement. Donc, une sorte de gouvernement autonome, comme l'ont fait les Apatistes sur leur territoire, donc au Chiapas. Donc là, la proposition, c'est quelque chose qui puisse être mis en place donc, par les peuples dans les différentes régions du Mexique, et donc avec en parallèle le lancement d'une candidature, d'une campagne pour, dans un premier temps, réussir à avoir une candidate indépendante. Et donc la chanson que vous venez d'écouter, on va la passer à tous nos programmes de radio. C'est un groupe zapatiste qui a fait ce morceau, qui le dédie donc à cette candidate Maria Jesús, Marichuy pour les intimes si on peut dire. Et donc c'est important d'essayer de voir ce processus, de regarder qu'effectivement l'objectif aussi, non, pour eux ce n'est évidemment pas de prendre le siège de l'État, de prendre le pouvoir d'État des institutions, mais de plutôt venir leur gâcher leur fête pour raconter qu'effectivement depuis là-haut, depuis le pouvoir, il n'y aura jamais de justice, jamais de répartition, que des projets auxquels des projets capitalistes sous diverses formes d'exploitation dans tous les sens des personnes, des ressources. Et donc l'objectif quand même, c'est du coup de précisément manifester autre chose, une autre possibilité, le chemin qu'eux sont en train d'ouvrir, c'est-à-dire celui du Conseil indigène de gouvernement, l'autonomie, la résistance comme étant la seule voie possible, tout en sachant que cette candidature, ils espèrent pouvoir justement l'amener pour pouvoir avoir cet espace de parole sur le terrain, aussi une visibilité au niveau international. Et donc, il faut bien savoir que précisément, même si c'est très difficile pour eux d'obtenir les signatures qu'il faut, puisque eux-mêmes, la plupart des peuples indigènes, des personnes vivant dans des communautés, ne sont pas sur des registres qui leur permettent de voter, sans rentrer dans les détails, puisque ce ne sont pas des politiques qui votent et qui peuvent faire qu'une candidature est possible. Donc voilà, du coup, cette candidature, elle est surtout là pour dénoncer cette farce démocratique. Et donc voilà, on va être attentif et précisément vous en parler régulièrement, même si on continuera à inviter d'autres luttes à prendre la parole sur cette table. Et donc, on vous invite à venir parler avec nous et à découvrir sur notre site cspcl.ouvatom.org ou bien tous les premiers, troisièmes, cinquième mercredi, premier, troisième, cinquième mercredi du mois, à 20h30 au 33 rue des Vignoles à Paris, dans le 20e, dans les locaux de la CNT qui nous sont prêtés donc depuis 95 là-bas. On a notre réunion, c'est une assemblée ouverte, venez nous rejoindre pour continuer à discuter. Samedi au marché solidaire au CICP dans l'après-midi, donc vous aurez la possibilité de nous rencontrer, on aura une petite table aussi. Et puis du coup, Lee, je te laisse donner les dernières nouvelles et après on se quittera et on laissera place à la suite du programme. On remercie Erich pour la technique. Donc, Lee, je te laisse donner les dernières infos. Merci d'abord à la Jungle des Luttes qui nous a accueillis. Ça, c'est très important pour faire connaître la venue de Karina Riquelme-Viveros. Donc, on pourra encore la rencontrer à l'occasion d'interventions qui aura lieu par l'Université de Tolbiac. Donc, ça sera le... Voyons, le 20... C'est le jeudi, c'est les jeudis. Le en jeudi, fin d'après-midi, voilà. À partir de 18h. C'est ça. Et le 28 également, elle est invitée pendant la conférence sur les luttes sociales. Ça sera à l'amphi de droit à Tolbiac, à partir, je crois, de 17h ou 18h30, voilà. À part ça, il y a aussi rappelé qu'elle a aussi été invitée par l'association Nuevo Concepto Latino à Fontenay-sous-Bois. Donc, elle y sera forcément donc le 29 novembre, et ça sera aussi une occasion pour voir une très belle exposition faite à la fois par Terre et Liberté, le Nuevo Concepto Latino et les Argentins également. Et donc il y aura aussi un concert de musique pour terminer. Donc si vous voulez avoir des informations, vous pouvez nous joindre par mail à terreliberté@gmail.com. Ça, c'est possible. Et enfin, on aura un événement solidaire avec le collectif Pico y Pala, Nuevo Concepto Latino et notre association Terre et Liberté, à l'espace La Vie Là, rue Sainte-Félicité à Paris, près de métro Vaugirard. Il y aura donc projection de films, débat avec Karina Riquelme et un buffet et la musique. Donc, ça sera annoncé largement. Merci. Merci à vous. On laisse la place. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Au mois prochain, Jungle des Luttes. Salut. ¡Vamos!